Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 5. Lowell, Massachusetts. Un jeune homme, du nom de Matthew Owens, s'est noyé en se baignant dans la rivière Merrimack dimanche dernier. Il s'est aventuré dans un endroit où l'eau est trop profonde et ne savait point nager. Son corps a été retrouvé le lendemain et enterré au cimetière catholique. Madame Eliza Chenet, demeurant rue Hall, Petit Canada, en allumant son feu avec de la kérosène, samedi dernier, la canette a fait explosion et les flammes se sont communiquées à ses habits et aux meubles et effets de la chambre. Au cri de détresse de la malheureuse femme, un voisin est accouru qui a réussi à étouffer le feu avec une couverture de lit. Elle est morte des suites de cet accident le même jour, à 8 heures du soir. Aussitôt après la mise en fonctionnement des appareils de la compagnie de lumière électrique Middlesex, à la station de la rue Middlesex, samedi après-dîner, M. Stevens, surintendant local, en faisant l'inspection des travaux, est glissé dans une mare d'huile et, en tombant, a saisi avec une main le fil de fer qui communique l'électricité aux lumières. Il a été foudroyé sans connaissance sur le plancher. On le croyait mort. Transporté à l'hôpital Saint-Charles, il a été possible de le rappeler à la vie en mettant en pratique tous les secours de la science. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.